قال المؤلف عليه رحمة الله وحفظه الله المشي إليها نور للعبد يوم القيامة. Toujours parmi les mérites de l'accomplissement de la prière du Fajr, le fait que, ou la récompense qu'Allah accorde à celui qui marche vers elle, et parmi cette récompense, le fait qu'Allah octroie une lumière à toute personne qui avait pour habitude de marcher vers la prière du Fajr, il lui accordera cette lumière-là, يوم القيامة. قال عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: fais la bonne annonce à ceux qui marchent dans les ténèbres. Fais la bonne annonce à ceux qui marchent dans les ténèbres vers les mosquées. Fais-leur la bonne annonce d'une lumière parfaite, يوم القيامة. قال وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Et ce hadith est comparable au verset d'Allah Azza wa Jal où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et est-ce qu'il y aurait une autre récompense pour l'excellence que l'excellence même. قال والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فذاك العبد الذي يكابد بعض أو بعض المشقة لشهود صلاة الصبح وربما في الظلمة فيجازيه الرب سبحانه وتعالى بالنور التام يوم القيامة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le plus généreux des généreux et le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc lorsque le serviteur se fatigue afin de participer à la prière du Fajr, et bien souvent, il est obligé de marcher dans les ténèbres de la nuit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de par cette œuvre par la lumière parfaite, يوم القيامة. يوم الأهوال والظلمات. C'est-à-dire يوم القيامة qui sera un jour atroce et empli de ténèbres. قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Dans un des versets de sourate Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe sur un discours que tiendront les munafiqin ainsi que al-munafiqat, les hypocrites et les hypocrites hommes et femmes. Ils diront aux croyants: regardez-nous et accordez-nous une partie de votre lumière. Accordez-nous une partie de votre lumière. Et il leur sera dit: retournez derrière vous et recherchez une lumière quelconque. Bima'na la yajiduna نورا. فهذه كذلك من الفوائد التي ينبغي لمن يمشي إلى المسجد أن يستحضرها أثناء مشيه إلى الصلاة. Donc ça fait partie des mérites qu'il est important d'avoir à l'esprit lorsque l'on marche vers la salat du Fajr. نعم. قال المحافظة عليها سبب لدخول الجنة. كذلك من أعظم الفوائد أنها سبب لدخول الجنة. Et aussi parmi les mérites d'assister à la prière du Fajr en groupe à la mosquée, le fait que cela soit une cause de l'entrée du serviteur au paradis. Donc juste cette faïda, juste ce mérite, il suffit pour que tout un chacun parmi nous, il s'efforce de toujours assister à la prière du Fajr, et là, un yuqbab ruhahu ala dhalk, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne son âme sur ce genre d'œuvre. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة. Donc un hadith de Abi Moussa et les muttafaqun alayh. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: celui qui prie les prières des deux fraîcheurs, il entrera au paradis. Les prières des deux fraîcheurs sont lesquelles, ya Hamza? Allah a la main. Bah déjà, il y en a une que tu peux savoir. Al-Fajr. Naam. Ou Al-Isha, tu dis? Al-Asr. Naam, Al-Asr. Al-Fajr. Ou Al-Asr. Parce que on les appelle les salades des deux fraîcheurs, parce que c'est le temps. C'est les deux temps où le climat. Se rafraîchit. L'asr ou al-fajr. قال ابن رجب عليه رحمة الله البردان صلاة الصبح والعصر لأنهما يصليان في برد النهار من أوله وآخره. Donc Ibn Rajab, il nous confirme que le but visé par ces deux prières n'est autre que la prière du Fajr ainsi que la prière du Asr. طيب ثم قال أي من صلى صلاة الفجر والعصر لأنهما في بردي النهار. C'est-à-dire ceux qui prient la prière du Fajr et du Asr, car elles se trouvent dans les moments les plus frais de la journée. Les moments les plus frais de la journée. أي طرفيه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحار أو سورة الحار. C'est-à-dire c'est un temps où l'air est bon. C'est un temps, c'est-à-dire le temps du Fajr, de l'aube, et celui du Asr. C'est un temps où l'air est bon et c'est un temps dans lequel se dissipe la difficulté de la chaleur ou les traces de la chaleur. وفي الحديث وعد من الله سبحانه وتعالى لمن لازم هاتين الصلاتين وسائر الصلوات في جماعة المسلمين أن يدخله الجنة وفيه إشارة وبشارة إلى حسن الخاتمة لمن واظب على ذلك سبحان الله. Donc là, dans ce hadith, il y a une promesse d'Allah Azza wa Jal qui est faite pour celui qui perdure dans ce genre de pratique, la salat du Fajr ainsi que la salat du Asr. Mais ça sous-entend aussi les autres prières, qu'il les accomplisse en groupe fil masajid, bien sûr. Dans les mosquées, qui les accomplissent en groupe dans les mosquées, sa promesse n'est autre que l'entrée au paradis. Et en vérité, quand tu médites sur ce genre de promesse, ça sous-entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder une bonne fin à cette personne-là. Cette personne qui est constante dans le mada, l'accomplissement de la salat du Fajr en groupe à la mosquée ainsi que celle du Asr et les autres prières. Allah lui accordera une bonne fin. Wa nasallallahu husna al-khatima. Wa fi ma'na hadha al-hadith qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannah nuzulan kullama غدا أو راح. Et il y a un hadith qui va dans le sens de celui qu'on a vu précédemment. C'est la parole du prophète, alayhi salatu wasalam. Pareil, c'est un hadith muttafaqun alayh. Où le prophète, alayhi salam, il dit, celui qui part au petit matin vers la mosquée, ou qui y revient, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une demeure pour chaque aller et venu qu'il accomplit en direction de la mosquée. Naam. طيب باب او يعني من فضائل هذه الصلاة انها سبب للنجاة من النار دار البوار. طيب et aussi parmi les mérites d'assister à la prière du Fajr en groupe fil masjid, c'est une cause, cette prière c'est une cause d'échapper au feu de l'enfer. C'est une cause pour celui qui l'accomplit, qu'il échappe au châtiment de l'enfer. En fait, ces deux mérites-là, c'est les mérites pour lesquels on vit hier. Le paradis et échapper à l'enfer. C'est ça le véritable maqsad du mu'min. Le croyant, il ne vit dans ce bas monde que pour avoir le paradis et échapper à l'enfer. فمن الأسباب لذلك أن يحافظ على صلاة الفجر. Tout ça pour dire la grande importance que de persister dans l'accomplissement de cette prière à la mosquée en groupe. Naam. عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. Donc là, le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit dans ce hadith, un hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed ou un muslim, le prophète il dit que n'entrera pas dans le feu de l'enfer une personne qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Avant le lever du soleil, c'est quelle prière ? Fajr. Et avant le coucher du soleil, c'est quelle prière? Le Maghreb, mata taqa' salat al-Maghrib ya ikhwan. Ma'a yani bi ghurub al-shams. Amma al-an qabla ghurub al-shams, fa huwa al-'asr. Naam. Fa qala lahu rajul min ahli al-Basra, أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذني ووعاه قلبي. سبحان الله. يا نم ذي البصرة يا نم ذي الريجون ذي البصرة Bassora, c'est une ville qui est dans quel pays, quoi? Hein? J'ai entendu Cham, j'ai entendu l'Irak, il manquait plus que le Yémen. L'Irak, c'est le Cham. Le Cham, la région du Cham, c'est ce qui englobe Mada. La Palestine, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie, Mada, le Liban, hein, le Liban et une partie de Mada, du goéland, ça Goéland. Non, entre l'Égypte et... Goéland. Goéland, c'est ça Golan. Golan. Golan. Voilà. Tout ça, c'est la région du Cham. Et Bassora, c'est une ville d'Irak. Donc il y a un homme d'Irak qui lorsqu'il a entendu ce compagnon citer ce hadith, il lui demande, est-ce que tu as entendu ça du prophète, alayhi salatu wassalam? Et le compagnon de dire, na'am. Et cet homme, il dit, et moi, quant à moi, j'atteste que j'ai bel et bien entendu cela du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc cet homme-là, c'est aussi un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, moi aussi, j'ai entendu cela du prophète, alayhi salatu wassalam, et mes oreilles l'ont entendu directement, et mon cœur l'a mémorisé. Ça montre encore plus que ce hadith est authentique et qu'il est venu de plusieurs compagnons. وهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على هاتين الصلاتين والمداومة عليهما سبب للنجاة من النار ومن نجا منها دخل الجنة. Et celui qui a été préservé de rentrer dans le feu de l'enfer, ma'nahu yadkhulu al-jannah. Ça sous-entend forcément qu'il va rentrer au paradis. فماذا تريد بعد هذا؟ هذا الشيخ. فماذا تريد بعد هذا؟ أن تجار من النار وتدخل أو وتدخل الجنة؟ فهل من مجيب للنداء؟ فهل من مجيب للنداء؟ كلام جميل. Qu'est-ce que tu recherches après cela? Qu'est-ce que tu recherches après cela? À être préservé du feu de l'enfer et à entrer au paradis. Qui donc va répondre à cet appel? L'appel du Fajr. صراحة لما تقرأ مثل هذه الكتب ومثل هذه الفوائد تفهم أكثر وتشد الهمم لحضور يعني جميع الصلوات لكن بالأخص هاتين الصلاتين. Quand tu connais les bienfaits d'une prière et tout ce que cela implique, ça accroît ton engouement et ta motivation pour participer à toutes les prières obligatoires, mais plus particulièrement à la prière du Fajr et celle du Asr, en groupe à la mosquée. Non. طيب. كذلك كم الوقت؟ نعم. أنها سبب لرؤية الله عز وجل. أنها سبب لرؤية الله عز وجل. وكذلك هذا من المقاصد العالية التي يريدها كل من عبد الله عن إخلاص وصدق وإيمان. Et aussi parmi les bienfaits de cette prière, quelle est une cause qui provoquera pour le croyant lors de jugement dernier, qui provoquera la vision d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire de par la cause de cette prière-là, il lui sera accordé de voir Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. نعم وفي الصحيحين et ça c'est un mérite bila shak que c'est un but dans la vie du croyant qu'il va s'efforcer tout au long de sa vie de pouvoir obtenir, c'est-à-dire pour yawm al-qiyamah et pour le paradis, c'est-à-dire il va œuvrer afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le gratifie de par cette immense récompense. Le fait de pouvoir voir Allah Azza wa Jal, que ce soit Yawm al-Qiyamah, d'une bonne apparence, ou que ce soit Mada fil Jannah. Fa, comme qu'il a dit dans le hadith, A'azam na'im al-Jannah, رؤية الرب، رؤية الرب. Comme cela est évoqué dans un hadith authentique, le plus grand bienfait dont bénéficieront les gens du paradis n'est autre que la vision d'Allah Azza wa Jalla. كيف لا وهو خالق كل شيء وهو الذي أنعمك وأمدك وزوجك وأعطاك ورفع شأنك وأكرمك بجميع أنواع الكرامات. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. على كل حال هذا يحتاج إلى وقت ربما نشرحه بطمأنينة وهدوء وسكينة، لأن هذا باب عظيم جدا، فإن شاء الله نخليها إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.